Bienvenue, monsieur. Voilà, voilà. Alors, 5 euros, 5 euros. Allez, deux bonnes de tulipes. 5 euros. Alors, 5 euros, 5 euros, 5 euros. Voilà, 5 euros, 5 euros. Voilà, voilà, il est là. Allez, deux bonnes de tulipes. Voilà, 5 euros, 5 euros, je suis à 5 euros. Bon, qui n'a pas eu ces tulipes là? Deux bottes, 5 euros. Allez, 5 euros, deux bottes au choix, madame. Allez, on en profite dans la tutu, dans la tulipe extra. Du printemps. Tulipe extra. À 5 euros les deux bottes. Voilà, on en profite. Il y a de la jacinthe parfumée. Bonjour, messieurs, dames. Voilà, 5 euros, je suis à 5 euros. Merci. Bonjour. Bonne journée. Alors 5 euros, je suis à 5 euros. 5 euros, passez. Allez, demandez, renseignez-vous, il y a du choix là. Regarde, c'est ce qu'on met dans le jardin. Moi, bon, il va. Je sais pas ce qu'il fait son. Renoncule. Nous, on a des.